Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Marius Barbeau, le premier ethnologue canadien. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que je me suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. À the clear fountain. Marius Barbeau chantant à la claire fontaine, sa passion et son amour de la chanson et du folklore pousseront Marius Barbeau à parcourir le pays à la recherche de traces tangibles de cette riche tradition de l'oralité avant que la modernité ne chasse à tout jamais cette tradition de nos mémoires. Formé dans les plus grandes écoles d'Europe, Marius Barbeau représentera le Canada à l'étranger tout au cours de sa très longue carrière d'ethnologue et d'anthropologue. Je me demandais, j'arrive aux éboulements, je vois une vieille femme sur sa galerie, la vieille Elisabeth Tremblay. Je me mets à converser avec elle, je lui demande si elle savait des chansons. Mon père n'avait fille que moi, mon père n'avait fille que moi. Nous tous sommes là avec les contes et les chansons, à la tradition orale, au folklore, qui est vivant, qui est mobile, qui change sur chaque bouche, à chaque transmission d'une génération à l'autre, qui voyage constamment, qui a passé de la France avec les ancêtres il y a 3 siècles au Canada, qui a continué et qui vit encore aujourd'hui. Et, M. Barbeau, vous avez également fait de nombreuses découvertes, je crois, sur la côte de l'Ouest. C'est le sujet principal de ma carrière et qui est en dehors du Canada français. Parmi les Indiens, oui, j'ai passé une grande partie de mes étés sur la côte nord-ouest à faire des recherches. Là, il y a des chansons d'un genre différent, des chansons d'un genre asiatique, mongol. On entend bien dans cet extrait la passion de Marius Barbeau pour cette tradition si vivante de l'oralité, comme il dit. Pour nous présenter cette grande figure intellectuelle du 20e siècle, mon invité, l'historien et journaliste au Devoir, Jean-François Nadeau. Jean-François Nadeau, bonjour. Bonjour. C'est vraiment, on l'a un peu oublié, Marius Barbeau, Jean-François, mais on a vraiment devant nous un géant. Absolument. Et ce qu'on entend là, en ce moment, c'est un vieillard. Hein? On entend quelqu'un, on a l'impression d'entendre quelqu'un de vieux nous raconter de vieilles choses, alors que ce qui l'intéresse, ce sont des choses extrêmement vivantes. Il est le premier au Canada et en Amérique du Nord, en partie certainement aussi, à concevoir l'importance d'un fonds social qui s'attache aux contes, à la chanson populaire, à des histoires, à des complaintes. Au fond, il fait ce que les frères Grimm avaient fait, par exemple, hein, en récupérant dans le fond commun, en amenant vers la littérature quelque chose qui est présent dans une culture de façon très importante. On oublie ça aujourd'hui. Béla Bartok, le grand musicien, est lui aussi un ethnologue à cette, en ce sens-là, un ethnomusicologue. Hein, il va recueillir lui aussi des chants avant de les intégrer à sa musicalité pour en faire quelque chose de moderne. Chez Brahms, les danses hongroises, c'est la même chose aussi. La Batèche de Gaston Miron chez nous reprend ça. Hein? Miron explique le rythme de la chanson populaire dans son poème « La Batèche, ma mère, c'est notre vie, de vie, de vie. Batèche au cœur, fier à tout rompre. Oui. » Et là, on finit par entendre la podorythmie à travers le poème aussi. Il y a quelque chose du rythme d'une société qui passe par ses traditions populaires. Et ça, Marius Barbeau est le premier à comprendre et ça de façon très forte. Et cette idée de préservation, de survivance, là, c'est ça qui est au cœur aussi de cette démarche-là. Parlons du jeune Marius Barbeau. On va parler de ses études brillantes dans un instant, mais d'abord, le début, commençons par le commencement. Parlez-nous du jeune Marius Barbeau, de ses origines. Il est au début, c'est vrai, dans un esprit de la survivance du Canada français. Il va dépasser ça sans jamais aller aussi loin, par exemple, que des Mexicains, par exemple, comme Diego Rivera ou sa femme, Frida Kahlo, une de ses femmes, devrais-je dire, où on réinvestit le patrimoine de cette survivance du folklore pour se projeter dans l'avenir. Oui. Mais il va donner des matériaux à d'autres pour faire ça. Mais il est très clairement, il est né en Beauce, hein, il est né à Sainte-Marie en 1883, famille relativement modeste. Son père est agriculteur. Sa mère a déjà enseigné, donc il va connaître ses premières années d'éducation à l'école, par l'école que lui fera sa mère, avant d'aller chez les Frères des écoles chrétiennes, comme bien d'autres jeunes hommes de son époque. Et l'influence majeure, au fond, c'était un autochtone, un prêtre huron qu'on a éloigné un peu de sa communauté huronne, mais aussi de sa communauté religieuse, parce que c'était un personnage un peu turbulent, un peu trouble, le père Prosper Vincent, qui chante, qui donne des spectacles, qui se retrouve d'un collège à l'autre pour à la fois faire voir le savoir qui est le sien et faire connaître aussi dans les collèges un peu cette tradition du conte, de l'oralité. Et ça marque beaucoup, oui. Marius Barthe. Déjà, le contact, oui, est fait. Là. C'est son, oui, premier contact avec cette tradition de l'oralité, mais de la culture amérindienne aussi, qui va être importante chez Barbeau. Et puis, il y aura ses voyages et ses années d'études. Il fera les plus grandes écoles d'Europe, Jean-François. Oui, à l'époque, quand on fréquente l'Université Laval, ce qui sera son cas, parce qu'il a hésité entre la charrue puis les études, en choisissant rapidement les études. C'est un très bon ami de Louis-Stéphane Saint-Laurent, qui va être premier ministre bientôt, qui va lui présenter sa femme, d'ailleurs. Il va se retrouver en Europe. Il est le premier boursier Rhodes, Cecil Rhodes, qui est un milliardaire à l'époque, qui est aujourd'hui considéré comme presque un esclavagiste, littéralement. C'est un impérialiste total, qui lui permet d'aller fréquenter des grandes institutions. Vous imaginez un catholique qui se retrouve à Oxford, oui, chez les protestants. Oui. Et là, lui qui est déjà avocat, a été reçu avocat, ce qui l'intéresse finalement, c'est pas tellement la pratique du droit, c'est l'homme. L'homme avec un grand H, connaître la nature humaine. Alors, il va s'intéresser à des nouveaux types d'études au confluent de l'histoire, de la géographie. Il va faire de l'anthropologie. Son maître, Marett, est un essentialiste dont il va se détacher avec le temps. C'est-à-dire que pour lui, il existe une racine profonde aux hommes, différents stades de développement qu'on peut retrouver par des études sur la nature des chansons, sur la nature de la foi, sur des manifestations de croyances de toutes sortes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va être intéressé par ces gens-là, et pas de lui-même forcément, à l'étude du totémisme, des totems, donc les grands totems de l'Ouest canadien. Et il va se rendre assez régulièrement sur le continent, parce que là, il est en Angleterre, différents pays, la Belgique, la Hollande. Il voit à Paris, il va suivre des cours, quelques leçons de Marcel Mauss, qui est le grand sociologue de l'époque, dont Marcel Fournier de l'Université, oui, de Montréal est le biographe principal. Donc, il y a là, c'est tout à fait exceptionnel pour l'époque, bien sûr, qu'un gars de la Beauce réussisse donc à entrer littéralement de plein pied avec les savants de cette époque-là. Quoi. Et là encore, après cette première rencontre avec ce prêtre huron dont vous nous parliez, en Europe, dans ces grandes écoles, ces maîtres à penser qui vont le pousser un petit peu à s'intéresser davantage encore à cette tradition amérindienne de chez lui, de chez Marcel Barbeau. Ya niko ya niko ya no he, ya niko ya niko ya no he, ya niko ya niko ya no he, ya niko ya niko ya no he, ya niko ya niko ya no he. Marius Barbeau chantant Le chant du soleil, un chant iroquois, mais c'est d'abord chez les Hurons, on y revient, c'est chez les Hurons qu'il va commencer à travailler activement, à faire ses enquêtes terrain, Jean-François Nadeau. Oui, il va pas seulement être en banlieue de Québec, comme on peut l'imaginer, mais se promener un peu partout autour des Grands Lacs pour recueillir ce qui peut rester. On a l'impression d'une perte, hein, vers 1919, on écrit le folklore est quelque chose qui se perd. Et il y a une dimension qu'il faut comprendre aussi chez Barbeau. Pour lui, c'est la société amérindienne. C'est pas moi qui dis ça, c'est lui. C'est une société en perdition. Il n'y a plus au fond que des bâtards. Et il faut réussir à trouver, à travers tout ça, une ligne de pureté. Aller à l'essence, retrouver ce qui est perdu. Il va changer progressivement. Mais c'est l'esprit du temps de ce type de savant. Il y a à la fois quelque chose d'atterrant et quelque chose de prodigieux aussi, puisque sans eux, on n'aurait rien. Il faut imaginer Marius Barbeau partant à bicyclette, puisqu'on lui fournit une bicyclette. On lui fournit aussi un Kodak 3A, qui est une espèce d'appareil qu'il manie très, très mal. Ses, ouais, photos, on l'accuse toujours de prendre trop de photos, mais heureusement qu'il a fait autant de photos aujourd'hui, parce que sinon, on n'aurait rien, ouais, de ces époques-là. Mais c'est un très mauvais photographe. Et il se promène surtout avec des rouleaux de cire vierge, des rouleaux qu'il va utiliser dans cette machine que Edison a formée, qui lui lui permet d'enregistrer, souvent de façon très difficile d'ailleurs. On capte pas très bien les graves, pas forcément très bien les aigus aussi. Et ayant appris la sténographie, il réussit à transcrire des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de contes et de chansons. On dit qu'il était capable d'épuiser ses informateurs. Ouais. Et une énergie prodigieuse. Connaissance des langues aussi, c'est vraiment... C'est un savant, là. C'est vraiment un grand savant, pour l'époque en plus, mais c'est ça, Marius Barbeau. Oui, avant 1960, on n'a pas beaucoup d'équivalents, en tout cas chez nous. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel et on se rend compte qu'entre sa formation d'anthropologue, d'ethnologue, ou avant la lettre, il est un peu à l'origine de ça au Canada, il va être encouragé par Franz Boas, qui est l'équivalent, si vous voulez, aux États-Unis, mais qui a une longueur d'avance chez lui, en lui disant, s'il te plaît, mais qu'est-ce qui se passe? J'entends chez les autochtones aux États-Unis des gens me raconter des histoires qui très clairement ont un fond qui appartient à la vieille France. Puisque les coureurs des bois, pendant très longtemps, ont peuplé le continent avant tout le monde à peu près, hein, c'est-à-dire du point de vue des Européens en tout cas, et ont essaimé des contes chez les familles autochtones qu'ils pouvaient rencontrer. Et Boas rencontre ça aux États-Unis. Peux-tu recueillir ça chez toi? Lui, il s'en était rendu compte, Marius Barbeau, que ça existait, mais il n'y avait jamais prêté attention. C'est-à-dire que c'est par le regard de l'autre, par l'étranger, par son rapport avec les États-Unis, par rapport à l'Angleterre, qu'il en vient à considérer que ce qui s'est raconté dans sa propre société a une valeur à l'échelle du monde. On est bien avant Claude Lévi-Strauss, et pourtant, il en a des intuitions, certainement, qui sont tout aussi valables. Donc, il y aura cet effet domino. Il faut le dire, on l'a un peu évoqué, mais la question amérindienne, il va vraiment parcourir le continent. Il va aller en Oklahoma, il va aller dans l'Ouest canadien, il va aller sur la côte ouest. Vraiment, une étude assez exhaustive. Et puis, donc, cette espèce d'écho qui va le ramener chez lui, sur les rives du Saint-Laurent. La vraie révolution musicale qui s'est produite pour moi, ça a été en 1916, quand je suis allé aux Éboulements et que je me suis mis à recueillir des chansons avec la vieille Élisabeth Tremblay, avec Madame Odette, avec Madame Bouchard. C'était ces vieilles complaintes qui avaient tant de profonde tristesse et en même temps, qui ouvrait les portes sur un monde étrange, moyenâgeux. C'est là que, vraiment, ma vocation musicale s'est accentuée dans une autre direction. J'ai cessé d'être un disciple, on pourrait dire, ou un auditeur de la musique européenne, que j'aime toujours, naturellement, et que j'écoute encore. Mais le langage musical qui s'est profondément enraciné en moi à partir de ce moment-là, c'est celui du terroir canadien de langue française. Alors, quelle importance, Jean-François Nadeau, aura cette découverte du terroir canadien de langue française pour Barbeau? Puis je vous dirais, quelle importance aura Barbeau pour ce folklore de chez nous? Ben, il a, à lui seul, on estime à 7000 chansons récupérées par ses soins, au moins 400 contes, sinon davantage. C'est des choses qui seraient perdues, dont, dans plusieurs cas, il y a des liens avec une tradition française qui, effectivement, remonte au Moyen-Âge dans une partie des cas. Mais il a réussi à raviver, parfois, dans des textes très tristes. Les textes sont inégaux. Vous savez, même pendant la crise, dans l'entre-deux-guerres, il réussit à vendre tellement de ses contes dans des journaux, contre l'avis de son ministère même, qu'il réussit à vivre pas trop mal. Donc, le folklore est quelque chose d'extrêmement vivant pour lui. C'est une nourriture terrestre. Et il va faire un livre en anglais en 1928, parce qu'il faut bien savoir que presque toute son œuvre, enfin, une large partie de son œuvre, est publiée en anglais. Il fait un roman qui va être traduit par une Française, d'abord à Paris, qui en fait une pièce de théâtre moderniste. Hein. Donc, il y a des matériaux pour quelque chose d'extraordinaire. Et en 1948, Le rêve de Kamal Moulk paraît. C'est un roman qui ne sera jamais vendu qu'à quelques centaines d'exemplaires. Et pourtant, un des plus fins connaisseurs de la littérature d'avant les années 60, Jacques Ferron, l'écrivain Jacques Ferron, et aussi docteur, dira que c'est peut-être le sommet de la littérature d'avant 1960. Hein. « Ma trace dans la neige fraîche est blanche comme celle de la gélinotte. Qui franchira après moi la brèche dans la voûte d'azur? mesure à la poursuite du mirage infini. Donc, il y a une capacité de reconduire la nature du conte dans une forme presque au seuil de la modernité, d'une certaine façon. Il se l'approprie, en fait. Il se l'approprie et il permettra à d'autres d'obtenir des matériaux pour faire autre chose. Donc, évidemment, la chanson, on a toujours l'impression aujourd'hui, en entendant Fred Pellerin ou des personnages qui se réapproprient ce bassin de chansons, de contes aussi, de traditions, qui a là quelque chose de relativement nouveau, qui réactive. Mais non, tout ça est absolument impossible sans la présence de Marius Barbeau. Et cette présence, elle est, vous l'évoquiez tout à l'heure, le vélo, les tubes de cire, c'est une présence qui est très, très réelle, qui est très concrète. C'est du travail terrain qu'il fait dans des conditions... C'est un fou, là. Il est passionné. Écoutez, Luc Lacourcière, dans cet extrait, qui a travaillé, qui a été l'élève de Barbeau à l'époque, qui nous parle de la méthode Barbeau, infatigable travailleur, à l'émission Langage de mon pays en 1970. Une journée d'enquête en sa compagnie était assez étonnante au début. Avant de connaître bien sa méthode, j'ai appris par la suite qu'il fallait faire un très bon déjeuner parce qu'on ne remangerait que le soir et peut-être seulement à 9h ou 10h du soir, parce que quand une enquête était amorcée, il n'y avait rien pour l'interrompre. Il fallait poursuivre jusqu'à l'épuisement de l'informateur. Mmh. Il était bien accepté par les informateurs. Oh, il savait exactement se faire accepter. Sa méthode, j'ai appris de lui d'ailleurs, sa méthode ne consistait pas à faire toutes sortes de présentations. Il arrivait chez les gens, il posait directement les questions. Alors les gens se demandaient plus tard pourquoi il posait telle ou telle question. Là, il leur expliquait sans difficulté, mais il était tout à fait à l'aise dans n'importe quel milieu. J'écoute cet extrait, Jean-François Nadeau, puis au fond, je repense à ce que vous disiez tout à l'heure, quand il était en Europe à étudier. Bon, l'homme de science, mais la curiosité. Connaître mieux celui qui est devant lui, connaître mieux l'homme, en fait. Et il est pressé, il a le sentiment d'une urgence, il a le sentiment que tout ça glisse, alors que pourtant, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20 et les années 30, vous imaginez aujourd'hui une sorte de festival de folklore qui aurait lieu au Château Frontenac. Mais ça existe, ça, à l'époque. C'est-à-dire qu'il va engager des gens pour raconter, pour chanter. Il y a une sorte de revival, hein, de renaissance de cette attention pour le folklore, alors que tout le monde dit qu'il est mort. Il existe, bien sûr, plus que jamais. Puis, il est aussi le dernier à rencontrer des gens qu'on a assimilés essentiellement à un univers religieux, à un univers pastoral, à un univers fermé. Louis Jobin, le sculpteur, par exemple, il va comprendre un peu ce qui dépasse l'univers des croyances. Pour lui, il y a l'art, il y a aussi la littérature, il y a ce qui anticipe la littérature. Oui. Et on comprend qu'à mesure qu'il vieillit, là, on l'a entendu très, très vieux dans l'émission, évidemment. Il faut l'imaginer plus fringant, jeune homme courant des Grands Lacs jusqu'à l'ouest du pays, descendant à New York, étant invité à prononcer des conférences un peu partout, retournant à Paris. Parce qu'il aura ce rayonnement international. Ah, il y a un rayonnement international absolument manifeste. Il va remporter 3 fois le prix David aussi, qui est la plus haute distinction littéraire aussi qu'on puisse obtenir à ce moment-là ici. Lui-même étant un peu conteur, on a du mal à le suivre. Hein, par moments, c'est lui qui va en quelque sorte faire découvrir Emily Carr, la peintre de l'Ouest canadien, que dans tous les grands musées aujourd'hui, on a Emily Carr au Canada. Donc, ses grands totems, oui, bien ses arts. Ça, exactement, ouais. Qui ne sont pas jugés intéressants à l'époque avant que lui ne s'y intéresse davantage. Mais on a peine à le suivre par moments parce qu'il est fabuliste un peu dans sa propre histoire. Il est aussi conteur de sa propre histoire et ça le rend soit attachant, soit attachable, dépendamment des points de vue. Quel héritage il nous laisse, Marius Barbeau? Comment évaluer son legs? On écoute le sociologue Marcel Rioux, également le gendre de Marius Barbeau, en parler à l'émission La science et vous en 1973. Monsieur Barbeau était un homme qui, assez tôt, après ses études à Oxford, a un peu délaissé, si vous voulez, les études théoriques et les études, disons, plus proprement universitaires pour recueillir l'héritage qu'il appelait culturel de tous les Canadiens. C'est-à-dire que ça concernait autant les francophones que les anglophones, que les Esquimaux et que les Indiens. Et c'était un homme, n'est-ce pas, qui était obsédé par l'idée que ces trésors culturels puissent se perdre. Alors, Je pense que sa contribution principale a justement été, d'ailleurs je pense que Mgr Savard l'a déjà exprimé beaucoup mieux que je le fais, une espèce de sorcier, n'est-ce pas, pour découvrir des couches entières d'anciennes civilisations et de cultures et d'essayer de les restituer ensuite au grand public. Et c'était un homme extrêmement convaincant, un raconteur et quelqu'un qui savait vous enthousiasmer pour les choses qui l'intéressaient. Parce que je pense que si plusieurs variétés de Canadiens connaissent mieux leur histoire et leurs ancêtres, c'est dû à M. Barbeau. Sourcier, Marius Barbeau, l'image est jolie, Jean-François Nadeau. Oui, il a parfaitement raison. Hein. Marius Barbeau écrivait « Nous sommes des ombres et nous nous en irons comme des ombres ». Et il a cette volonté de trouver la lumière entre les deux d'une certaine façon. Hein. Il cherche à recueillir le plus rapidement ce qui lui semble évanescent, plus que jamais. Il y a des legs qui sont inattendus de lui. Par exemple, cette histoire de Pocahontas. Vous connaissez le film de Walt Disney, bien sûr. Ben, c'est en partie Marius Barbeau qui a recueilli ce conte. Hein. C'est pas un conte, c'est une histoire en partie vraie de Madoac, qui est de son vrai nom, mais qui est romancée en partie. Tous ces contes et légendes qui sont réinvestis avec le temps de façon absolument inattendue. Les collections aussi matérielles qui peuplent les musées canadien, du musée de Chambly, de Fort de Chambly, au musée de la civilisation d'un peu partout d'Ottawa à l'ouest canadien. On lui doit d'avoir préservé des totems, des masques, des objets de toutes sortes. Il est effectivement une sorte de sourcier. Il a un sens, il a un troisième œil où il réussit à repérer ce qui, a priori, intéresse relativement peu les gens au temps où lui vit. Il vit de façon absolument éclatante. C'est quelqu'un qui a une énergie débordante. Et ça rejaillit, je pense, sur son travail beaucoup. Et qui a pourtant, on l'a oublié, non? Dans la mémoire collective. Il est mort en 1969. Il y a une espèce de mystère de voile qui a été jeté sur ce qui se passe un peu avant les années 60. On n'a pas très bien réinvesti ça. Mais de la même façon que la plupart des grands écrivains, des grands danseurs, des grands musiciens de partout dans le monde, il y a une nécessité de replonger là-dedans. Et il dit à quelques endroits dans son œuvre, ce pays se porterait sans... Et ma patrie, le Canada français, comme il l'appelle à l'époque, se porterait sans doute bien mieux si elle avait une connaissance plus grande de ce fond, de ce tronc commun, pour se réinvestir, se projeter. Je l'ai dit beaucoup depuis le début de notre entretien, mais je pense que c'est vraiment à ça qu'il faut s'attacher dans l'histoire de Marius Barbeau. C'est plus de 700 textes qu'il a laissés, on n'en a pas très bien le compte, de nature inégale, mais à travers tout ça, il y a du matériel et surtout, il y a une direction. Hein. Après lui, après les 7000 chansons qu'il aura amassées, à l'Université Laval, on en a accueilli 30 000. C'est un peu un fonds inestimable, en fait, pour comprendre la nature de la société. Défricheur. Il y en aura d'autres qui suivront. Voilà. Jean-François Nadeau, historien, journaliste au Devoir, toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.